Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gourmet du Pré 1860. Question 79. Des facultés intellectuelles. Intelligence, mémoire, raison supérieure et raison inférieure. Intelligence spéculative, synthèse, conscience morale, conscience. 1. L'intelligence est-elle une faculté de l'âme? L'intellectu, l'intelligence n'est point la substance de l'âme, mais bien une faculté déterminée. Il n'y a qu'en Dieu que l'intelligence et l'être sont la même chose. Dans toute créature intelligente, l'intellect est une faculté. Note. L'intelligence, l'intellect et l'entendement sont synonymes et signifient la faculté de comprendre. Nous prions le lecteur de s'en souvenir, car nous emploierons souvent ces trois expressions indistinctement pour désigner l'intelligence. Un peu plus loin, cependant, saint Thomas réservera le mot « intelligence » pour l'acte de l'intellect qui conçoit. Ce mot peut effectivement avoir les deux sens. Fin de la note. 2. L'intelligence est-elle une faculté passive? L'intelligence, sous certains rapports, est une faculté passive, dans le sens que tout être qui passe de la puissance à l'acte, alors même qu'il se perfectionne, est appelé passif, ainsi, comprendre est pour nous un état de passivité. Notre intelligence est en puissance pour les vérités intelligibles, comme on peut s'en convaincre par le début même de la vie, où, selon l'expression du philosophe, elle ressemble à une table rase sur laquelle rien n'est écrit, ce qui prouve qu'elle est une faculté passive. Note. Dans les premiers temps de notre existence, nous sommes intelligents seulement en puissance, plus tard, nous devenons intelligents en acte, mais graduellement. Notre intelligence est ainsi quelque chose de passif qui de l'état de puissance passe à celui d'acte. C'est pour cela qu'Aristote lui donne le nom d'intellect possible. Nous pouvons conserver les mots intellect passif, entendement passif, ou, comme s'exprime le dictionnaire de l'Académie, l'intellect patient, qui est opposé à un intellect agent. La passivité de l'intelligence humaine n'exclut pas son activité, comme on va le voir. Fin de la note. 3. L'intelligence est-elle une faculté active? L'intelligence, sous un autre rapport, est une faculté active, car, rien ne passant de la puissance à l'acte que par la vertu de quelque chose déjà en activité, il faut admettre un intellect actif ou agent, intellectus agens, qui réduit à l'acte l'intellect passif, en rendant intelligibles les objets sensibles au moyen d'une certaine abstraction. Note. On verra un peu plus loin comment l'entendement actif rend intelligible pour l'entendement passif les objets du dehors en faisant abstraction des formes sensibles de la matière. Fin de la note. 4. L'intellect actif est-il une propriété de l'âme? L'intellect actif est une propriété de notre âme comme l'intellect passif. Il est vrai qu'il existe au-dessus de nous un entendement supérieur qui communique à notre âme la capacité de concevoir les vérités intelligibles actuellement. Note. Cet entendement supérieur, d'après les enseignements de notre foi, c'est Dieu même, dont nos âmes tirent leur lumière intellectuelle, selon cette parole du roi prophète. La lumière de votre visage, Seigneur, est imprimée sur nous. Psaume 4. Fin de la note. Mais, outre cette lumière supérieure, il faut encore admettre dans l'âme humaine une certaine vertu par laquelle elle se rend à elle-même les choses intelligibles, en dégageant les formes universelles des êtres particuliers par le travail de l'abstraction. La vertu qui est en nous le principe de cette action est évidemment une propriété de l'âme, une faculté. Note. L'intellect actif ne fait pas comprendre instantanément, ni perpétuellement, toute chose, car il n'est pas l'objet de l'intellect passif, il est seulement le principe qui fait arriver les objets à cet intellect, et il a besoin, pour ce travail, non seulement de fantômes ou images, mais des facultés sensitives disposées convenablement et exerçant leurs fonctions. Fin de la note. 5. L'intellect actif est-il le même chez tous les hommes? Si l'intellect actif est une propriété de l'âme et comme l'une de ses facultés, il faut de toute nécessité que les intellects actifs se multiplient avec les âmes elles-mêmes, suivant le nombre des hommes. Une seule et même faculté n'est pas celle de plusieurs sujets. Que tous les hommes soient d'accord dans les premières conceptions de l'esprit, ce n'est pas une preuve que les intelligences soient les mêmes chez tous, il s'ensuit seulement qu'elles émanent d'une même cause, et que la connaissance des premiers principes est une action inhérente à notre nature. Note. L'idée de l'unité de l'intelligence pour tous les hommes ne vient que d'une théorie d'Avicenne, qui admettait que l'intellect actif est une substance séparée des hommes. Nous avons vu en quoi pêche ce système et en quoi il est vrai. Platon compare Dieu au soleil. Il a raison, Dieu est le soleil des intelligences. L'accord de tous les hommes concernant les premiers principes démontre réellement l'unité de cet intellect séparé, mais il ne démontre point l'unité de l'intellect actif, qu'Aristote compare à la lumière. La lumière n'est pas la même dans divers flambeaux. Fin de la note. 6. La mémoire fait-elle partie de l'intelligence? Si rien ne pouvait être conservé dans la partie intellective de l'âme sans être actuellement compris, la mémoire n'existerait d'aucune façon dans l'intelligence. Mais il est certain que l'intelligence passive a la propriété de retenir d'une manière forte et durable les idées qu'elle a reçues, soit qu'elles viennent des objets sensibles, soit qu'elles émanent de plus haut. En conséquence, si par la mémoire on entend la faculté de conserver les espèces purement intelligibles, nous dirons que cette faculté existe dans la partie intellective de l'âme. Mais si la mémoire est considérée comme ayant pour objet les choses du passé en tant que passé, elle ne fait pas partie de l'intelligence, elle revient à la sensibilité qui perçoit les choses particulières, car le passé, comme passé, impliquant un temps déterminé, rentre dans la condition des faits particuliers. Note. Ces questions, qui paraissent purement philosophiques au premier aspect, serviront plus loin à décider ce qui reste de la science dans l'âme après la destruction du corps. Fin de la note. 7. La mémoire intellective est-elle une autre faculté que l'intelligence? La mémoire intellective n'est pas une autre faculté que l'intelligence. Il entre dans la nature de l'intellect passif de conserver les espèces intelligibles aussi bien que de les recevoir. Qu'est-ce, en effet, que la mémoire, sinon le trésor, le lieu où se conservent les images spirituelles, c'est-à-dire les idées qui sont propres à enrichir notre âme? Puisque la mémoire intellective et l'intelligence sont un même objet, elles ne forment ensemble qu'une seule et même faculté. 8. La raison est-elle une faculté différente de l'intelligence? Ce qui rend l'homme supérieur aux animaux, dit saint Augustin, c'est la raison, appelez-la esprit, intelligence ou de tout autre nom qu'il vous plaira. Toute la différence entre l'intelligence et la raison, c'est que l'intelligence saisit simplement la vérité, tandis que la raison, pour atteindre cette même vérité, va d'un objet compris à un autre. Ce dernier procédé est celui d'un être imparfait, et l'autre celui d'un être parfait, mais c'est la même faculté qui nous fait comprendre, et raisonner pour comprendre, comme dans l'ordre physique. C'est la même force qui fait qu'un être se meut ou se repose terme. 9. La raison supérieure et la raison inférieure, sont-elles des facultés diverses? La raison supérieure et la raison inférieure ne sont pas des facultés diverses, c'est une même faculté agissant, diversement. Les vérités éternelles que la raison supérieure a pour objet, qu'elle étudie, qu'elle consulte pour en faire la règle de ses actions, et les choses temporelles, dont s'occupe la raison inférieure, se rapportent à notre intelligence de telle façon que l'une d'elles est un moyen d'arriver à l'autre. En effet, par voie d'induction, les choses temporelles nous conduisent à la connaissance des vérités éternelles, selon cette parole de saint Paul, les choses invisibles de Dieu nous ont été rendues intelligibles par celles qu'il a faites. Romains 1, 20, et, par voie de déduction, nous jugeons des choses temporelles par les vérités éternelles, pour en disposer suivant ces dernières. L'exercice de la raison, dans ce travail est, on le voit, une sorte de mouvement d'une chose à une autre. Comme c'est le même mobile qui passe par le milieu pour arriver à un terme, la raison supérieure et la raison inférieure sont une seule et même faculté accomplissant deux fonctions, et donnant lieu à deux habitudes qui constituent, l'une la sagesse, l'autre la science. 10. L'intelligence est-elle une faculté différente de l'entendement ? Il ne faut pas voir dans l'intelligence une faculté autre que l'entendement, seulement l'intelligence désigne parfois aussi, dans son sens propre, l'acte même de l'intellect qui consiste à comprendre. Note. Dans la langue française, l'intelligence se dit souvent pour l'intellect lui-même, et non pas seulement pour l'acte de l'intellect. Fin de la note. 11. L'intellect spéculatif et l'intellect pratique sont-ils des facultés différentes? L'intellect spéculatif et l'intellect pratique ne forment pas deux facultés distinctes. En effet, l'objet perçu par l'intellect peut être destiné à l'action ou ne pas y être destiné, ceci est accidentel. L'intellect pratique connaît la vérité comme l'intellect spéculatif, mais il rapporte la connaissance de la vérité à un but pratique. 12. La synthérèse est-elle une faculté spéciale? La synthérèse n'est pas précisément une faculté, elle est une habitude naturelle provenant des principes pratiques que la nature a imprimés en nous aussi fortement que les principes spéculatifs. En effet, si la raison spéculative raisonne sur les choses spéculatives, la raison pratique raisonne aussi sur les choses pratiques par une habitude naturelle appelée conscience morale ou synthérèse. Cette habitude, nous faisant connaître par les premiers principes, qui sont infaillibles, ce qui est bien et ce qui est mal, nous porte à approuver l'un et à condamner l'autre. Or, ces premiers principes pratiques, à l'égard desquels l'erreur est impossible, doivent être attribués à la raison comme faculté, et à la synthérèse comme habitude naturelle. Note. La synthérèse est la conscience morale considérée comme disposition habituelle de l'âme. Ce mot est peu usité, on le remplace par celui de conscience morale, qui marque tout à la fois l'acte et l'habitude. Fin de la note. 13. La conscience est-elle une faculté de l'âme? La conscience est plutôt un acte qu'une faculté, Elle est l'acte par lequel nous appliquons ce que nous savons à ce que nous faisons. Le mot conscience, en effet, indique le rapport d'une chose avec une autre, car il signifie savoir avec, comme alio scientia. Or, l'application de toute science se fait par un acte. La même vérité ressort des attributions de la conscience. Nous disons qu'elle est un témoin, un frein, un juge, un témoin, selon que nous reconnaissons que nous avons fait ou omis quelque chose, un frein, lorsque nous jugeons qu'une action doit être faite ou n'être pas faite, un juge, quand nous excusons ou accusons une chose qui a été bien ou mal faite. Toutes ces opérations sont évidemment une conséquence de l'application que nous faisons de notre science à nos actions. La conscience désigne donc proprement un acte de la Sainte Thérèse. Quoi qu'il en soit, le mot conscience est quelquefois donné à l'habitude naturelle qui sert de principe à l'acte, c'est-à-dire à la Sainte Thérèse ou connaissance habituelle des premiers principes moraux. Ainsi, nous voyons Saint Jérôme, par exemple, donner à la Sainte Thérèse le nom de conscience, et c'est sur le même fondement que Saint Basile appelle la conscience un tribunal basé sur les lumières naturelles. Markendanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.